Germinal, 5e partie, chapitre 2. À Jean Bart, Catherine roulait depuis une heure déjà, poussant les berlines jusqu'au relais. Et elle était trempée d'un tel flot de sueur qu'elle s'arrêta un instant pour s'essuyer la face. Du fond de la taille, où il tapait à la veine avec les camarades du marchandage, Chaval s'étonna lorsqu'il n'entendit plus le grondement des roues. Les lampes brûlaient mal, la poussière du charbon empêchait de voir. « Quoi donc ?» cria-t-il. Quand elle lui eut répondu qu'elle allait fondre, bien sûr, et qu'elle se sentait le cœur qui se décrochait, il répliqua furieusement « Bête, fais comme nous, ôte ta chemise !» C'était à 708 mètres, au nord, dans la première voie de la veine désirée, que 3 kilomètres séparaient de l'accrochage. Lorsqu'il parlait de cette région de la fosse, les mineurs du pays pâlissaient et baissaient la voix, comme s'ils avaient parlé de l'enfer. Et ils se contentaient le plus souvent de hocher la tête, en homme qui préférait ne point causer de ces profondeurs de braise ardente. À mesure que les galeries s'enfonçaient vers le nord, elles se rapprochaient du Tartaret, elles pénétraient dans l'incendie intérieur, qui, là-haut, calcinait les roches. Les tailles, au point où l'on en était arrivé, avait une température moyenne de 45 degrés. On s'y trouvait en pleine cité maudite, au milieu des flammes que les passants de la plaine voyaient par les fissures, crachant du soufre et des vapeurs abominables. Catherine, qui avait déjà enlevé sa veste, hésita, puis ôta également sa culotte. Et les bras nus, les cuisses nues, la chemise serrée aux hanches par une corde, comme une blouse, elle se remit à rouler. « Tout de même, ça ira mieux, » dit-elle à voix haute. Dans son étouffement, il y avait une vague peur. Depuis 5 jours qu'il travaillait là, elle songeait aux contes dont on avait bercé son enfance, à ces herscheuses du temps jadis qui brûlaient sous le Tartaret, en punition de choses qu'on n'osait pas répéter. Sans doute, elle était trop grande maintenant pour croire de pareilles bêtises. Mais pourtant, qu'aurait-elle fait si brusquement elle avait vu sortir du mur une fille rouge comme une poêle, avec des yeux pareils à des tisons? Cette idée redoublait ses sueurs. Au relais, à 80 mètres de la taille, une autre herscheuse prenait la berline et la roulait à 80 mètres plus loin, jusqu'au pied du plan incliné, pour que le receveur l'expédiât avec celle qui descendait des voies d'en haut. « Fichtre, tu te mets à ton aise !» dit cette femme, une maigre veuve de 30 ans, quand elle aperçut Catherine en chemise. « Moi, je ne peux pas, les galibots du plan m'embêtent avec leur saleté. »« Ah bien !» répliqua la jeune fille, « je m'en moque des hommes, je souffre trop. » Elle repartit, poussant une berline vide. Le pis était que dans cette voie de fond, une autre cause se joignait au voisinage du Tartaret pour rendre la chaleur insoutenable. On côtoyait d'anciens travaux, une galerie abandonnée de Gaston Marie, très profonde, où un coup de grison, 10 ans plus tôt, avait incendié la veine, qui brûlait toujours, derrière le corroi, le mur d'argile bâti là, et réparé continuellement afin de limiter le désastre. Privé d'air, le feu aurait dû s'éteindre. Mais sans doute des courants inconnus la vivaient. Ils s'entretenaient depuis 10 années. Ils chauffaient l'argile du corroi comme on chauffe les briques d'un four, au point qu'on en recevait au passage la cuisson. Et c'était le long de ce muraillement, sur une longueur de plus de 100 mètres, que se faisait le roulage, dans une température de 60 degrés. après deux voyages, Catherine étouffa de nouveau. Heureusement, la voie était large et commode dans cette veine désirée, une des plus épaisses de la région. La couche avait 1,90 m, les ouvriers pouvaient travailler debout. Mais ils auraient préféré le travail à col tordu et un peu de fraîcheur. Ah, ça, est-ce que tu dors ? Reprit violemment Chaval dès qu'il cessa d'entendre remuer Catherine. Qu'est-ce qui m'a fichu une rosse de cette espèce ? Veux-tu bien emplir ta berline et rouler ? Elle était au bas de la taille, appuyée sur sa pelle, et un malaise l'envahissait pendant qu'elle les regardait tous d'un air imbécile, sans obéir. Elle les voyait mal à la lueur rougeâtre des lampes, entièrement nues comme des bêtes, si noires, si encrassées de sueur et de charbon, que leur nudité ne la gênait pas. C'était une besogne obscure, des échines de singes qui se tendaient, une vision infernale de membres roussis, s'épuisant au milieu de coups sourds et de gémissements. Mais eux la distinguaient mieux sans doute, car les rivelaines s'arrêtèrent de taper, et ils la plaisantèrent d'avoir ôté sa culotte. Hé, tu vas t'enrhumer, méfie-toi. C'est qu'elle a de vraies jambes, dis donc. Chaval, il y en a pour deux. Oh, faudrait voir. Relève ça. Plus haut. Plus haut. Alors, Chaval, sans se fâcher de ses rires, retomba sur elle. Ça y est, dis, nom de Dieu. Ah, pour les saletés, elle est bonne. Elle resterait là, à en entendre jusqu'à demain. Péniblement, Catherine s'était décidée à emplir sa berline. Puis, elle la poussa. La galerie était trop large pour qu'elle pût s'arc-bouter aux deux côtés des bois. Ses pieds nus se tordaient dans les rails où ils cherchaient un point d'appui, pendant qu'elle filait avec lenteur, les bras raidis en avant, la taille cassée. Et dès qu'elle longeait le corroi, le supplice du feu recommençait. La sueur tombait aussitôt de tout son corps en gouttes énormes, comme une pluie d'orage. À peine au tiers du relais, elle ruissela, aveuglée, souillée elle aussi d'une boue noire. Sa chemise étroite, comme trempée d'encre, collait à sa peau, lui remontait jusqu'aux reins dans le mouvement des cuisses. Et elle en était si douloureusement bridée qu'il lui fallut lâcher encore la besogne. Qu'avait-elle donc ce jour-là ? Jamais elle ne s'était sentie ainsi du coton dans les os. Ça devait être un mauvais air. L'aérage ne se faisait pas au fond de cette voie éloignée. On y respirait toutes sortes de vapeurs qui sortaient du charbon avec un petit bruit bouillonnant de source, si abondante parfois que les lampes refusaient de brûler. Sans parler du grisou, dont on ne s'occupait plus, tant la veine en soufflait au nez des ouvriers, d'un bout de la quinzaine à l'autre. Elle le connaissait bien, ce mauvais air, cet air mort, comme disent les mineurs, en bas de lourds gaz d'asphyxie, en haut des gaz légers qui s'allument et foudroient tous les chantiers d'une fosse, des centaines d'hommes dans un seul coup de tonnerre. Depuis son enfance, elle en avait tellement avalé qu'elle s'étonnait de le supporter si mal, les oreilles bourdonnantes, la gorge en feu. N'en pouvant plus, elle éprouva un besoin d'ôter sa chemise. Cela tournait à la torture, ce linge dont les moindres plis la coupaient, la brûlaient. Elle résista, voulut rouler encore, fut forcée de se remettre debout. Alors, vivement, en se disant qu'elle se couvrirait au relais, elle enleva tout, la corde, la chemise, si fiévreuse qu'elle aurait arraché la peau si elle avait pu. Et, nue maintenant, pitoyable, ravalée au trot de la femelle, quêtant sa vie par la boue des chemins, elle besognait, la croupe barbouillée de suie, avec de la crotte jusqu'au ventre, ainsi qu'une jument de fiacre. À quatre pattes, elle poussait. Mais un désespoir lui vint. Elle n'était pas soulagée d'être nue. Quoi ôter encore ? Le bourdonnement de ses oreilles l'assourdissait. Il lui semblait sentir un étau la serrer aux tempes. Elle tomba sur les genoux. La lampe, calée dans le charbon de la berline, lui parut s'éteindre. Seule l'intention d'en remonter la mèche surnageait au milieu de ses idées confuses. Deux fois, elle voulut l'examiner, et les deux fois, à mesure qu'elle la posait devant elle, par terre, elle la vit pâlir, comme si elle aussi eût manqué de souffle. Brusquement, la lampe s'éteignit. Alors, tout roula au fond des ténèbres. Une meule tournait dans sa tête. Son cœur défaillait, s'arrêtait de battre, engourdi à son tour par la fatigue immense qui endormait ses membres. Elle s'était renversée. Elle agonisait dans l'air d'asphyxie au ras du sol. « Je crois, nom de Dieu, qu'elle flâne encore !» gronda la voix de Chaval. Il écouta du haut de la taille, n'entendit point le bruit des roues. « Hé, Catherine, sacrée couleuvre !» La voix se perdait au loin, dans la galerie noire, et pas une haleine ne répondait. « Veux-tu que j'aille te faire grouiller, moi ?» Rien ne remuait, toujours le même silence de mort. Furieux, il descendit, il courut avec sa lampe, si violemment qu'il faillit buter dans le corps de la herscheuse qui barrait la voie. Béant, il la regardait. Qu'avait-elle donc? Ce n'était pas une frime, au moins, histoire de faire un somme. Mais la lampe, qu'il avait baissée pour éclairer la face, menaça de s'éteindre. Il la releva, la baissa de nouveau, finit par comprendre. Ça devait être un coup de mauvais air. Sa violence était tombée. Le dévouement du mineur s'éveillait en face du camarade en péril. Déjà, il criait qu'on lui apportât sa chemise. Et il avait saisi à plein bras la fille nue et évanouie. Il la soulevait le plus haut possible. Quand on lui eut jeté sur les épaules leurs vêtements, il partit au pas de course, soutenant d'une main son fardeau, portant les deux lampes de l'autre. Les galeries profondes se déroulaient. Il galopait, prenait à droite, prenait à gauche, allait chercher la vie dans l'air glacé de la plaine que soufflait le ventilateur. Enfin, un bruit de source l'arrêta, le ruissellement d'une infiltration coulant de la roche. Il se trouvait à un carrefour d'une grande galerie de roulage qui desservait autrefois Gaston-Marie. L'aérage y soufflait en un vent de tempête. La fraîcheur y était si grande qu'il fut secoué d'un frisson lorsqu'il eut assis par terre, contre les bois, sa maîtresse, toujours sans connaissance, les yeux fermés. « Catherine, voyons, nom de Dieu, pas de blague! Tiens-toi un peu, que je trempe ça dans l'eau !» Il s'effarait de la voir si molle. Pourtant, il put tremper sa chemise dans la source et il lui en lava la figure. Elle était comme une morte, enterrée déjà au fond de la terre, avec son corps fluet de fille tardive, où les formes de la puberté hésitaient encore. Puis, un frémissement courut sur sa gorge d'enfant, sur son ventre et ses cuisses de petite misérable, déflorées avant l'âge. Elle ouvrit les yeux, elle bégaya. « J'ai froid !»« Ah, j'aime mieux ça, par exemple !» cria Chaval, soulagé. Il la rhabilla, glissa aisément la chemise, jura de la peine qu'il eût à passer la culotte, car elle ne pouvait céder beaucoup. Elle restait étourdie, ne comprenait pas où elle se trouvait, ni pourquoi elle était nue. Quand elle se souvint, elle fut honteuse. Comment avait-elle osé enlever tout? Et elle le questionnait. Est-ce qu'on l'avait aperçue ainsi, sans un mouchoir à la taille seulement pour se cacher? Lui, qui rigolait, inventait des histoires, racontait qu'il venait de la porter là, au milieu de tous les camarades faisant la haie. Quelle idée aussi d'avoir écouté son conseil et de s'être mis le derrière à l'air! Ensuite, il donna sa parole que les camarades ne devaient pas même savoir si elle l'avait rond ou carré, tellement il galopait raide. « Bigre, mais je crève de froid !» dit-il en se rhabillant à son tour. Jamais elle ne l'avait vu si gentil. D'ordinaire, pour une bonne parole qu'il lui disait, elle empoignait tout de suite deux sottises. Cela aurait été si bon de vivre d'accord. Une tendresse la pénétrait, dans l'alanguissement de sa fatigue. Elle lui sourit, elle murmura « Embrasse-moi !» Il l'embrassa, il se coucha près d'elle, en attendant qu'elle pût marcher. « Vois-tu, reprit-elle, tu avais tort de crier là-bas, car je n'en pouvais plus. Vrai, dans la taille encore, vous avez moins chaud, mais si tu savais comment on cuit au fond de la voie. » « Bien sûr, répondit-il, on serait mieux sous les arbres. Tu as du mal dans ce chantier, ça, je m'en doute, ma pauvre fille. » Elle fut si touchée de l'entendre en convenir qu'elle fit la vaillante. « Oh, c'est une mauvaise disposition. Puis aujourd'hui, l'air est empoisonné. Mais tu verras tout à l'heure si je suis une couleuvre. Quand il faut travailler, on travaille, n'est-ce pas? Moi, j'y crèverais plutôt que de lâcher. » Il y eut un silence. Lui, la tenant d'un bras à la taille, en la serrant contre sa poitrine pour l'empêcher d'attraper du mal. Elle, bien qu'elle se sentît déjà la force de retourner au chantier, s'oubliait avec délices. « Seulement, continua-t-elle très bas, je voudrais bien que tu fusses plus gentil. Oui, on est si content quand on s'aime un peu. » Et elle se mit à pleurer doucement. « Mais je t'aime, cria-t-il, puisque je t'ai prise avec moi. » Elle ne répondit que d'un hochement de tête. Souvent, il y avait des hommes qui prenaient des femmes, pour les avoir, en se fichant de leur bonheur à elles. Ses larmes coulaient, plus chaudes. Cela la désespérait maintenant, de songer à la bonne vie qu'elle mènerait si elle était tombée sur un autre garçon, dont elle aurait senti toujours le bras passé ainsi à sa taille. Un autre? Et l'image vague de cet autre se dressait dans sa grosse émotion. Mais c'était fini. Elle n'avait plus que le désir de vivre jusqu'au bout avec celui-là, s'il voulait seulement ne pas la bousculer si fort. « Alors, dit-elle, tâche donc d'être comme ça de temps en temps. » Des sanglots lui coupèrent la parole et il l'embrassa de nouveau. « Mais tu bête! Tiens, je jure d'être gentil. On n'est pas plus méchant qu'un autre, va !» Elle le regardait, elle recommençait à sourire dans ses larmes. Peut-être qu'il avait raison, on en rencontrait guère des femmes heureuses. Puis, bien qu'elle se défiât de son serment, elle s'abandonnait à la joie de le voir aimable. Mon Dieu, si cela avait pu durer! Tous deux s'étaient repris, et comme ils se serraient d'une longue étreinte, des pas les firent se mettre debout. Trois camarades, qui les avaient vus passer, arrivaient pour savoir. On repartit ensemble, il était près de 10 heures, et l'on déjeuna dans un coin frais, avant de se remettre à suer au fond de la taille. Mais ils achevaient la double tartine de leur briquet, ils allaient boire une gorgée de café à leur gourde, lorsqu'une rumeur, venue des chantiers lointains, les inquiéta. « Quoi donc ? Était-ce un accident encore ? » Ils se levèrent, ils coururent. Des haveurs, des herscheuses, des galibots les croisaient à chaque instant, et aucun ne savait. Tous criaient, ça devait être un grand malheur. Peu à peu, la mine entière s'effarait, des ombres affolées débouchaient des galeries, les lanternes dansaient, filaient dans les ténèbres. Où était-ce ? Pourquoi ne le disait-on pas ? Tout d'un coup, un porion passa en criant « On coupe les câbles ! On coupe les câbles !» Alors, la panique souffla. Ce fut un galop furieux au travers des voies obscures. Les têtes se perdaient. « À propos de quoi coupait-on les câbles ? Et qui les coupait lorsque les hommes étaient au fond ? Cela paraissait monstrueux !» Mais la voix d'un autre porion éclata, puis se perdit. « Ceux de Montsou coupent les câbles ! Que tout le monde sorte !» Quand il eut compris, Chaval arrêta net Catherine. L'idée qu'il rencontrerait là-haut ceux de Montsou, s'il sortait, lui engourdissait les jambes. Elle était donc venue, cette bande qu'il croyait aux mains des gendarmes. Un instant, il songea à rebrousser chemin et à remonter par Gaston-Marie. Mais la manœuvre ne s'y faisait plus. Il jurait, hésitant, cachant sa peur, répétant que c'était bête de courir comme ça. On n'allait pas les laisser au fond, peut-être. La voix du porion retentit de nouveau, se rapprocha. « Que tout le monde sorte ! Aux échelles ! Aux échelles !» Et Chaval fut emporté avec les camarades. Il bouscula Catherine, il l'accusa de ne pas courir assez fort. Elle voulait donc qu'il restât seul dans la fosse à crever de faim, car les brigands de Montsou étaient capables de casser les échelles sans attendre que le monde fût sorti. Cette supposition abominable acheva de les détraquer tous. Il n'y eut plus, le long des galeries, qu'une débandade enragée, une course de fous à qui arriverait le premier pour remonter avant les autres. Des hommes criaient que les échelles étaient cassées, que personne ne sortirait. Et quand ils commencèrent à déboucher par groupes épouvantés dans la salle d'accrochage, ce fut un véritable engouffrement. Ils se jetaient vers le puits, ils s'écrasaient à l'étroite porte du goyot des échelles, tandis qu'un vieux palefrenier, qui venait prudemment de faire rentrer les chevaux à l'écurie, les regardait d'un air de dédaigneuse insouciance, habitué aux nuits passées dans la fosse, certain qu'on le tirerait toujours de là. « Nom de Dieu, veux-tu monter devant moi ? » dit Chaval à Catherine. « Au moins je te tiendrai si tu tombes. » Ahuri, suffoqué par cette course de 3 kilomètres, qu'il avait encore une fois trempé de sueur, elle s'abandonnait, sans comprendre, au remous de la foule. Alors il l'attira par le bras à le lui briser, et elle jeta une plainte, ses larmes jaillirent. Déjà il oubliait son serment. Jamais elle ne serait heureuse. « Passe donc » hurla-t-il. Mais il lui faisait trop peur. Et si elle montait devant lui, tout le temps il la brutaliserait. Aussi résistait-elle, pendant que le flot éperdu des camarades les repoussait de côté. Les filtrations du puits tombaient à grosses gouttes, et le plancher de l'accrochage, ébranlé par le piétinement, tremblait au-dessus du bougnoul du puisard vaseux, profond de 10 mètres. Justement, c'était à Jean Bart, 2 ans plus tôt, qu'un terrible accident, la rupture d'un câble, avait culbuté la cage au fond du bougnoul dans lequel 2 hommes s'étaient noyés. Et tous y songeaient. On allait tous y rester si l'on s'entassait sur les planches. « Sacrée tête de pioche !» cria Chaval. « Crève donc, je serai débarrassé !» Il monta, et elle le suivit. Du fond au jour, il y avait 102 échelles, d'environ 7 mètres, posées chacune sur un étroit palier qui tenait la largeur du goyot, et dans lequel un trou carré permettait à peine le passage des épaules. C'était comme une cheminée plate de 700 mètres de hauteur entre la paroi du puits et la cloison du compartiment d'extraction. Un boyau humide, noir et sans fin, où les échelles se superposaient, presque droites, par étages réguliers. Il fallait 25 minutes à un homme solide pour gravir cette colonne vertébrale. D'ailleurs, le goyot ne servait plus que dans les cas de catastrophe. Catherine, d'abord, monta gaillardement. Ses pieds nus étaient faits à l'escaillage tranchant des voies et ne souffraient pas des échelons carrés, recouverts d'une tringle de fer qui empêchait l'usure. Ses mains, durcies par le roulage, empoignaient sans fatigue les montants trop gros pour elle. Et même cela l'occupait, la sortait de son chagrin. Cette montée imprévue, ce long serpent d'homme se coulant, se hissant, 3 par échelle, si bien que la tête déboucherait au jour lorsque la queue traînerait encore sur le bougnou. On n'en était pas là. Les premiers devaient se trouver à peine au tiers du puits. Personne ne parlait plus. Seuls les pierres roulaient avec un bruit sourd. Tandis que les lampes, pareilles à des étoiles voyageuses, s'espaçaient de bas en haut, en une ligne toujours grandissante. Derrière elle, Catherine entendit un galibot compter les échelles. Cela lui donna l'idée de les compter aussi. On en avait déjà monté 15, et l'on arrivait à un accrochage. Mais, au même instant, elle se heurta dans les jambes de Chaval. Il jura en lui criant de faire attention. De proche en proche, toute la colonne s'arrêtait, s'immobilisaient. « Quoi donc ? Que se passait-il ? » Et chacun retrouvait sa voix pour questionner et s'épouvanter. L'angoisse augmentait depuis le fond. L'inconnu de là-haut les étranglait davantage à mesure qu'ils se rapprochaient du jour. Quelqu'un annonça qu'il fallait redescendre, que les échelles étaient cassées. C'était la préoccupation de tous, la peur de se trouver dans le vide. Une autre explication descendit de bouche en bouche, l'accident d'un haveur glissé d'un échelon. On ne savait au juste, des cris empêchaient d'entendre. Est-ce qu'on allait coucher là ? Enfin, sans qu'on fût mieux renseigné, la montée reprit, du même mouvement lent et pénible, au milieu du roulement des pieds et de la danse des lampes. Ce serait pour plus haut, bien sûr, les échelles cassées. À la 32e échelle, comme on dépassait un troisième accrochage, Catherine sentit ses jambes et ses bras se raidir. D'abord, elle avait éprouvé à la peau des picotements légers. Maintenant, elle perdait la sensation du fer et du bois, sous les pieds et dans les mains. Une douleur vague, peu à peu cuisante, lui chauffait les muscles. Et, dans l'étourdissement qui l'envahissait, elle se rappelait les histoires du grand-père Bonnemort, du temps qu'il n'y avait pas de goyot et que des gamines de 10 ans sortaient le charbon sur leurs épaules, le long des échelles plantées à nu. Si bien que, lorsqu'une d'elles glissait, ou que simplement un morceau de houille déboulait d'un panier, 3 ou 4 enfants dégringolaient du cou la tête en bas. Les crampes de ses membres devenaient insupportables. Jamais elle n'irait au bout. De nouveaux arrêts lui permirent de respirer. Mais la terreur qui, chaque fois, soufflait d'en haut, achevait de l'étourdir. Au-dessus et au-dessous d'elle, les respirations s'embarrassaient. Un vertige se dégageait de cette ascension interminable dont la nausée la secouait avec les autres. Elle suffoquait, ivre de ténèbres, exaspérée de l'écrasement des parois contre sa chair. Et elle frissonnait aussi de l'humidité, le corps en sueur sous les grosses gouttes qui la trempaient. On approchait du niveau. La pluie battait si fort qu'elle menaçait d'éteindre les lampes. 2 fois, Chaval interrogea Catherine sans obtenir de réponse. Que fichait-elle là-dessous ? Est-ce qu'elle avait laissé tomber sa langue ? Elle pouvait bien lui dire si elle tenait bon. On montait depuis une demi-heure. Mais si lourdement qu'il en était seulement à la 59e échelle. Encore 43. Catherine finit par bégayer qu'elle tenait bon tout de même. Il l'aurait traitée de couleuvre si elle avait avoué sa lassitude. Le fer des échelons devait lui entamer les pieds. Il lui semblait qu'on la sciait là, jusqu'à l'os. Après chaque brassée, elle s'attendait à voir ses mains lâcher les montants, pelées et roidies au point de ne pouvoir fermer les doigts. Et elle croyait tomber en arrière, les épaules arrachées, les cuisses démanchées, dans leur continuel effort. C'était surtout du peu de pente des échelles qu'elle souffrait, de cette plantation presque droite qui l'obligeait de se hisser à la force des poignets, le ventre collé contre le bois. L'essoufflement des haleines, à présent, couvrait le roulement des pas. Un râle énorme, décuplé par la cloison du goyot, s'élevait du fond, expirait toujours. Il y eut un gémissement, des mots coururent, un galibot venait de s'ouvrir le crâne à l'arête d'un palier. Et Catherine montait. On dépassa le niveau. La pluie avait cessé. Un brouillard alourdissait l'air de cave, empoisonné d'une odeur de vieux fer et de bois humide. Machinalement, elle s'obstinait tout bas à compter. 81, 82, 83, encore 19. Ces chiffres, répétés, la soutenaient seuls de leur balancement rythmique. Elle n'avait plus conscience de ses mouvements. Quand elle levait les yeux, les lampes tournoyaient en spirale. Son sang coulait, elle se sentait mourir. Le moindre souffle allait la précipiter. Le pis était que ceux d'en bas poussaient maintenant et que la colonne entière se ruait, cédant à la colère croissante de sa fatigue, au besoin furieux de revoir le soleil. Des camarades, les premiers, étaient sortis. Il n'y avait donc pas d'échelle cassée. Mais l'idée qu'on pouvait en casser encore pour empêcher les derniers de sortir lorsque d'autres respiraient déjà là-haut achevait de les rendre fous. Et comme un nouvel arrêt se produisait, des jurons éclatèrent. Tous continuèrent à monter, se bousculant, passant sur les corps à qui arriverait quand même. Alors, Catherine tomba. Elle avait crié le nom de Chaval dans un appel désespéré. Il n'entendit pas. Il se battait. Il enfonçait les côtes d'un camarade à coups de talon pour être avant lui. Elle fut roulée, piétinée. Dans son évanouissement, elle rêvait. Il lui semblait qu'elle était une des petites herscheuses de jadis et qu'un morceau de charbon, glissé d'un panier au-dessus d'elle, venait de la jeter en bas du puits, ainsi qu'un moineau atteint d'un caillou. 5 échelles seulement restaient à gravir. On avait mis près d'une heure. Jamais elle ne sut comment elle était arrivée au jour, portée par des épaules, maintenue par l'étranglement du goyot. Brusquement, elle se trouva dans un éblouissement de soleil, au milieu d'une foule hurlante qui la huait.